Troisième partie, chapitre 6 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales, troisième partie, chapitre 6, que l'humilité nous fait aimer notre propre abjection. Je passe plus avant, filoté, et je vous dis que vous aimiez en tout et partout votre propre abjection. Mais vous me demandez peut-être ce que c'est qu'aimer sa propre abjection. Je vais vous en instruire. Ces deux termes, abjection et humilité, n'ont qu'une même et seule signification dans la langue latine. Ainsi, quand la Sainte Vierge nous dit en son divin cantique que toutes les générations publieront son bonheur parce que le Seigneur a regardé son humilité, elle veut nous faire entendre que Dieu a daigné jeter les yeux sur sa bassesse et sur son abjection pour la combler de grâce et de gloire. Il y a néanmoins une grande différence entre la vertu d'humilité et l'abjection, car l'abjection n'est autre chose que la bassesse, la petitesse et la faiblesse qui est réellement en nous, et indépendamment de nos réflexions. Mais l'humilité est une véritable connaissance que nous avons de notre abjection et qui nous porte à le reconnaître volontairement en nous. Or, la perfection de l'humilité consiste non seulement à reconnaître notre abjection, mais à l'aimer et à nous y complaire, non pas par aucune bassesse d'esprit ni lâcheté de cœur, mais en vue de la gloire que nous devons rendre à Dieu et de la préférence d'estime que nous devons donner à notre prochain sur nous-mêmes. C'est aussi ce que je vous recommande de tout mon cœur, et pour en concevoir mieux la pratique, considérez qu'entre les maux que nous avons à souffrir, les uns sont abjects et humiliants, et les autres sont honorables, que beaucoup de personnes s'accommodent assez de ceux qui leur font honneur, et que peu de gens se font à ceux qui les déshonorent. Voyez un bon et dévot ermite, tout déchiré et pénétré de froid, chacun honore son habit et plaint sa peine. Mais si un pauvre artisan, un pauvre gentilhomme, une pauvre demoiselle paraissent en cet état, on les méprise, on se moque d'eux, et la même pauvreté est abjecte en leur personne. Un religieux reçoit en silence une correction fort vive de son supérieur, ou bien un enfant de son père. L'on appelle cela mortification, obéissance et sagesse. Mais un cavalier ou une dame en souffrira autant de quelqu'un pour l'amour de Dieu, et l'on appellera cela bassesse d'esprit et lâcheté. Voilà encore un mal qui porte de l'abjection. Une personne a un cancer au bras et l'autre l'a au visage. Celle-là n'a que le mal, mais celle-ci a le mépris et l'abjection avec le mal. Je dis donc qu'il ne faut pas seulement aimer le mal, ce qui est un exercice de patience, mais qu'il faut encore chérir l'abjection et c'est le parfait exercice de l'humilité. De plus, il y a des vertus abjectes et des vertus honorables. La patience, la douceur, la simplicité et l'humilité sont des vertus qui passent pour viles et abjectes aux yeux du monde, au lieu qu'il estime beaucoup la prudence, la générosité et la libéralité. Il se trouve encore dans la pratique d'une même vertu des actions, dont les unes sont méprisées et les autres honorées. Donner l'aumône et pardonner à ses ennemis sont deux actions de charité. Et il n'est personne qui ne loue la première, au lieu que la seconde est presque universellement méprisée. Un jeune gentilhomme ou une jeune dame qui fuira la société des personnes déclarées pour le jeu, pour le luxe des habits, pour les plaisirs de la danse et du théâtre, pour le mauvais enjouement des conversations et pour l'intempérance, s'attirera leurs critiques, leur mépris, leur raillerie, et sa modestie passera pour hypocrisie et pour petitesse d'esprit. Aimer cela, c'est aimer son abjection. En voici un autre exemple. Nous allons visiter les malades. Si on m'envoie aux plus misérables, ce me sera une abjection selon l'esprit du monde. C'est pourquoi je l'aimerai. Si on m'envoie à quelques malades de qualité, ce me sera une abjection selon l'esprit de Dieu, parce qu'il n'y a pas tant de vertu ni de mérite, et j'aimerais encore cette abjection. L'on tombe dans la rue, et outre le mal qu'on se fait, on en reçoit de la confusion. Il faut aimer cette abjection. Il y a même des fautes qui ne portent aucun mal, que la seule abjection et l'humilité n'exigent pas qu'on les fasse de dessein, mais elles demandent que l'on n'en s'inquiète point quand on les a commises. Telles sont certaines incivilités, inadvertances et autres défauts. Certainement, la prudence ou la civilité veut que nous les évitions autant que nous pouvons, mais quand elles nous ont échappé, la sainte humilité veut que nous en acceptions toute l'abjection. Je dis bien davantage. Si je me suis laissé aller par colère ou par quelque liberté sensuelle à dire des paroles piquantes ou indécentes, aussitôt je me le reprocherai vivement. J'en concevrai un vrai repentir et je réparerai la faute le mieux qu'il me sera possible. Mais en même temps, j'accepterai l'abjection qui m'en peut revenir. Et si l'on pouvait séparer l'un de l'autre, je rejetterai le péché avec indignation et je conserverai l'abjection dans mon cœur avec une humble patience. Mais quoique nous aimions l'abjection que le mal porte avec soi, nous devons toujours remédier au mal qu'il a causé, par les moyens naturels et légitimes que nous en avons, surtout quand il est de quelque conséquence. Si j'ai au visage quelque mal honteux et humiliant, j'en chercherai la guérison, mais sans oublier l'abjection qui m'en est revenue. Si j'ai fait une faute qui n'offense personne, je m'en excuserai pas, parce qu'encore que ce soit un défaut, il n'a pas d'autre suite que le mépris qu'on a fait de moi, et que je ne m'en excuserai que pour me décharger de l'abjection qu'il m'a attirée. Et c'est ce que l'humilité ne peut absolument permettre. Mais si j'ai offensé ou scandalisé quelqu'un, soit par mégarde, soit par une mauvaise humeur, je réparerai ma faute par une sincère excuse, parce que le mal que j'ai fait subsiste encore, et que la charité m'oblige à le détruire de mon mieux. Au reste, il arrive quelquefois que notre prochain étant intéressé à notre réputation, la charité demande que nous tâchions d'éloigner l'abjection autant que nous pouvons. Mais en la détruisant ainsi aux yeux du monde, pour éviter le scandale, nous la devons conserver chèrement dans notre cœur, afin qu'il s'en édifie. Si après cela, Philothée, vous voulez savoir quelles sont les meilleures abjections, je vous dirai que les plus salutaires à l'âme et les plus agréables à Dieu sont celles qui nous viennent fortuitement ou qui sont attachées à notre état parce qu'elles ne sont pas de notre choix mais de celui de Dieu qui sait mieux ce qu'il nous faut que nous-mêmes. S'il fallait en choisir quelques-unes, les plus grandes seraient les meilleures et celles-là sont estimées les plus grandes qui sont les plus contraires à notre inclination, pourvu qu'elles soient conformes à notre vocation. Car afin de le dire une fois pour toutes, notre choix, c'est-à-dire notre propre volonté, altère extrêmement nos vertus et en diminue beaucoup le mérite. Ah, qui nous fera la grâce de pouvoir dire avec ce grand roi « J'ai choisi de mener une vie abjecte en la maison de mon Dieu, plutôt que de demeurer dans les palais des pécheurs. » Nul ne le peut, Philothée, que celui qui, pour nous glorifier, a été en sa vie et en sa mort l'opprobre des hommes et l'abjection du peuple. Je vous ai dit beaucoup de choses qui vous paraîtront dures dans la spéculation, mais croyez-moi, vous les trouverez plus douces que le miel dans la pratique. » Fin du chapitre 6, troisième partie.